Petits événements. L'angélique douceur que Madame de Rênal devait à son caractère et à son bonheur actuel n'était un peu altérée que quand elle venait à songer à sa femme de chambre, Élisa. Cette fille fit un héritage, alla se confesser au curé Chélan et lui avoua le projet d'épouser Julien. Le curé eut une véritable joie du bonheur de son ami. Mais sa surprise fut extrême quand Julien lui dit d'un air résolu que l'offre de Mademoiselle Élisa ne pouvait lui convenir. « Prenez garde, mon enfant, à ce qui se passe dans votre cœur, » dit le curé fronçant le sourcil. « Je vous félicite de votre vocation, si c'est à elle seule que vous devez le mépris d'une fortune plus que suffisante. » Vous pourrez faire fortune, mais il faudra nuire aux misérables, flatter le sous-préfet, le maire, l'homme considéré, et servir ses passions. Cette conduite qui, dans le monde, s'appelle savoir-vivre, peut, pour un laïc, n'être pas absolument incompatible avec le salut. Mais dans notre état, il faut opter. Il s'agit de faire fortune dans ce monde ou dans l'autre. Il n'y a pas de milieu. Allez, mon cher ami, réfléchissez et revenez dans 3 jours me rendre une réponse définitive. » Julien avait honte de son émotion. Pour la première fois de sa vie, il se voyait aimé. Il pleurait avec délice et alla cacher ses larmes dans les grands bois au-dessus de Verrières. « Pourquoi l'état où je me trouve ?» se dit-il enfin. « Je sens que je donnerais 100 fois ma vie pour ce bon curé Chélan, et cependant il vient de me prouver que je ne suis qu'un sot. C'est lui surtout qu'il m'importe de tromper, et il me devine. » Qui me dit que je trouverais du plaisir à répandre des larmes, que j'aimerais celui qui me prouve que je ne suis qu'un sot. 3 jours après, Julien avait trouvé le prétexte dont il dut se munir dès le premier jour. Ce prétexte était une calomnie. Mais qu'importe. Il avoua au curé, avec beaucoup d'hésitation, qu'une raison qu'il ne pouvait lui expliquer, parce qu'elle nuirait à un tiers, l'avait détourné tout d'abord de l'union projetée, s'était accusé la conduite d'Élisa. Il trouvait les mots qu'eût employés un jeune séminariste fervent, mais le ton dont il les prononçait, mais le feu mal caché qui éclatait dans ses yeux, alarmait M. Chélan. Madame de Rênal fut étonnée que la nouvelle fortune de sa femme de chambre ne rendît pas cette fille plus heureuse. Elle la voyait aller sans cesse chez le curé et en revenir les larmes aux yeux. Enfin, Élisa lui parla de son mariage. Madame de Rênal se crut malade. Une sorte de fièvre l'empêchait de trouver le sommeil. Elle ne vivait que lorsqu'elle avait sous les yeux sa femme de chambre ou Julien. Elle ne pouvait penser qu'à eux et au bonheur qu'ils trouveraient dans leur ménage. La pauvreté de cette petite maison où l'on devait vivre avec 50 louis de rente se peignait à elle sous des couleurs ravissantes. Madame de Rênal crut sincèrement qu'elle allait devenir folle. Elle le dit à son mari et enfin tomba malade. Le soir même, comme sa femme de chambre la servait, elle remarqua que cette fille pleurait. Elle abhorrait Élisa dans ce moment et venait de la brusquer. Elle lui en demanda pardon, les larmes d'Élisa redoublèrent. Elle dit que si sa maîtresse le lui permettait, elle lui conterait tout son malheur. « Dites, » répondit Madame de Rênal. « Eh bien, madame, il me refuse. Des méchants lui auront dit du mal de moi, il les croit. »« Qui vous refuse ?» dit Madame de Rênal, respirant à peine. « Et qui, madame, si ce n'est Monsieur Julien ?» répliqua la femme de chambre en sanglotant. « Monsieur le curé n'a pu vaincre sa résistance, car Monsieur le curé trouve qu'il ne doit pas refuser une honnête fille. » Madame de Rênal n'écoutait plus. L'excès du bonheur lui avait presque ôté l'usage de la raison. « Je veux tenter un dernier effort, » dit-elle à sa femme de chambre. « Je parlerai à Monsieur Julien. » Le lendemain, après le déjeuner, Madame de Rênal se donna la délicieuse volupté de plaider la cause de sa rivale et de voir la main et la fortune d'Élisa refusées constamment pendant 1 heure. Peu à peu, Julien sortit de ses réponses compassées et finit par répondre avec esprit aux sages représentations de Madame de Rênal. Elle ne put résister au torrent de bonheur qui inondait son âme après tant de jours de désespoir. Elle se trouva mal tout à fait. Quand elle fut remise et bien établie dans sa chambre, elle renvoya tout le monde. Elle était profondément étonnée. « Aurais-je de l'amour pour Julien ?» se dit-elle enfin. Cette découverte, qui dans tout autre moment l'aurait plongée dans les remords, dans une agitation profonde, ne fut pour elle qu'un spectacle singulier, mais comme indifférent. Madame de Rênal voulut travailler et tomba dans un profond sommeil. Quand elle se réveilla, elle ne s'effraya pas autant qu'elle l'aurait dû. Elle était trop heureuse pour pouvoir prendre en mal quelque chose. La cloche du dîner sonna. Madame de Rênal rougit beaucoup quand elle entendit la voix de Julien qui amenait les enfants. Un peu à droite depuis qu'elle aimait, pour expliquer sa rougeur, elle se plaignit d'un affreux mal de tête. « Voilà comme sont toutes les femmes, » lui répondit M. de Rênal avec un gros rire. « Il y a toujours quelque chose à raccommoder à ces machines-là. » Quoiqu'accoutumé à ce genre d'esprit, ce ton de voix choqua Madame de Rênal. Pour se distraire, elle regarda la physionomie de Julien. Il eût été l'homme le plus laid que, dans cet instant, il lui eût plu. Attentif à copier les habitudes des gens de cour, dès les premiers beaux jours de printemps, M. de Rênal s'établit à Vergy. À quelques centaines de pas des ruines si pittoresques de l'ancienne église gothique, M. de Rênal possède un vieux château avec ses quatre tours et un jardin dessiné comme celui des Tuileries. La vue de la campagne sembla nouvelle à Mme de Rênal. Son admiration allait jusqu'au transport. Le sentiment dont elle était animée lui donnait de l'esprit et de la résolution. Dès le surlendemain de l'arrivée à Vergy, M. de Rênal était retourné à la ville pour les affaires de la mairie. Mme de Rênal prit des ouvriers assez frais. Julien lui avait donné l'idée d'un petit chemin sablé qui circulerait dans le verger et sous les grands noyers. Cette idée fut mise à exécution moins de 24 heures après avoir été conçue. Mme de Rênal passa toute la journée gaiement avec Julien à diriger les ouvriers. Lorsque le maire de Verrières revint de la ville, il fut bien surpris de trouver l'allée faite. Son arrivée surprit aussi Madame de Rênal. Elle avait oublié son existence. Pendant 2 mois, il parla avec humeur de la hardiesse qu'on avait eue de faire, sans le consulter, une réparation aussi importante. Mais Madame de Rênal l'avait exécutée assez frais, ce qui le consolait un peu. Elle passait ses journées à courir avec ses enfants dans le verger et à faire la chasse aux papillons. Il y eut enfin entre Madame de Rênal et Julien un sujet de conversation. Il ne fut plus exposé à l'affreux supplice que lui donnaient les moments de silence. Ils se parlaient sans cesse et avec un intérêt extrême, quoique toujours de choses fort innocentes. Cette vie active, occupée et gaie était du goût de tout le monde, excepté de Mademoiselle Elisa qui se trouvait excédée de travail. « Jamais dans le carnaval, disait-elle, quand il y a bal à Verrières, madame ne s'est donné tant de soins pour sa toilette. Elle change de robe 2 ou 3 fois par jour. » Comme notre intention est de ne flatter personne, nous ne nierons point que Madame de Rênal, qui avait une peau superbe, ne se fit arranger des robes qui laissaient les bras et la poitrine fort découverts. Elle était très bien faite, et cette manière de se mettre lui allait à ravir. Une chose singulière qui trouvera peu de croyance parmi nous, c'était sans intention directe que Madame de Rênal se livrait à tant de soins. Elle y trouvait du plaisir, et sans y songer autrement, tout le temps qu'elle ne passait pas à la chasse aux papillons avec les enfants et Julien, elle travaillait avec Elisa à bâtir des robes. Elle ramena à Vergy une jeune femme de ses parentes. Depuis son mariage, Madame de Rênal s'était liée insensiblement avec Madame d'Herville, qui autrefois avait été sa compagne au Sacré-Cœur. Madame d'Herville riait beaucoup de ce qu'elle appelait les idées folles de sa cousine. « Seule, jamais je n'y penserai, » disait-elle. Ces idées imprévues qu'on eût appelées « saillies » à Paris, Madame de Rênal en avait honte comme d'une sottise quand elle était avec son mari. Mais la présence de Madame d'Herville lui donnait du courage. À ce voyage, la raisonnable Madame d'Herville trouva sa cousine beaucoup moins gaie et beaucoup plus heureuse. Julien, de son côté, avait vécu en véritable enfant depuis son séjour à la campagne, aussi heureux de courir à la suite des papillons que ses élèves. Après tant de contraintes et de politiques habiles, seul, loin des regards des hommes, et par instinct ne craignant point Madame de Rênal, il se livrait au plaisir d'exister, si vif à cet âge, et au milieu des plus belles montagnes du monde. Dès l'arrivée de Madame d'Herville, il sembla à Julien qu'elle était son amie. Il se hâta de lui montrer le point de vue que l'on a de l'extrémité de la nouvelle allée sous les grands noyers. C'est sur les sommets de ces rochers coupés à pic que Julien heureux, libre, et même quelque chose de plus, roi de la maison, conduisait les deux amis et jouissait de leur admiration pour ses aspects sublimes. « C'est pour moi comme la musique de Mozart, » disait Madame Derville. À Vergy, pour la première fois de sa vie, il ne voyait point d'ennemis. Quand M. de Rênal était à la ville, ce qui arrivait souvent, il osait lire. Il venait dans ses rochers avec le livre, unique règle de sa conduite et objet de ses transports. Il y trouvait à la fois bonheur, extase et consolation dans les moments de découragement. Certaines choses que Napoléon dit des femmes, plusieurs discussions sur le mérite des romans à la mode sous son règne, lui donnèrent alors, pour la première fois, quelques idées que tout autre homme de son âge aurait eues depuis longtemps. Les grandes chaleurs arrivèrent. On prit l'habitude de passer les soirées sous un immense tilleul à quelques pas de la maison. L'obscurité y était profonde. Un soir, Julien parlait avec action. Il jouissait avec délice du plaisir de bien parler et à des femmes jeunes. En gesticulant, il toucha la main de Madame de Rênal qui était appuyée sur le dos d'une de ces chaises de bois peint que l'on place dans les jardins. Cette main se retira bien vite, mais Julien pensa qu'il était de son devoir d'obtenir que l'on ne retirât pas cette main quand il la touchait. L'idée d'un devoir à accomplir et d'un ridicule ou plutôt d'un sentiment d'infériorité à encourir si l'on n'y parvenait pas éloigna sur le champ tout plaisir de son cœur.